Promotion exceptionnelle, messieurs dames, approchez, c'est pas cher, c'est du beau. Ouais, toi là. Eh, hey, t'envoies de la poudre aux yeux, est-ce pour t'en foutre au nez? Je prends celle des scampettes avant de me faire couillonner. L'air débonnaire, tu shootes tes faibles à coups de crédit revolver. Prends des assurances à dot quand il ne reste que le vol pour ces pauvres mecs, mais bordel. Qu'est-ce que tu babilles au mien? Ah mais quasi-boriens, parti trop loin, fuyant les rois babyloniens. Ma clique de bourgeois décadents, qui fourvoie les agents, puis courtois et galants. Oui, vous voyez les mamans qui savent que nous aussi on sait tournoyer la langue de Molière, grappolière, poids, plume dans la volière. Mais des gaines de croque-mort, monsieur, alors surveillez vos yeux. Bad smoking, fuis ta merde, pas de moquerie, tu t'arrêtes. Ta jolie, fuis ta bec, je t'attorpille sur ta tête. T'es pas notre maître, c'est ta tsornette, c'est malhonnête. Et le baromètre dit que c'est serré pour l'état, nos fesses, on ramassera pas les savonnettes. Chute ta fiche, la pute, la brûle, exulte, insulte si tu luttes. On ferme les dents quand tu pensais avoir gratis une turlute. C'est incomparable. Ah ouais, le dernier modèle n'a rien à voir avec le précédent. Ah ouais, c'est tout bonnement ce qui se fait de mieux. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, je vous cache pas qu'étant donné votre fidélité, vous aurez droit à un pourcentage particulièrement intéressant. Tout le temps que je suis dans le doute, les sombres des routes, j'écoute attentivement, j'entends des sifflements tellement strident dans les bruits de talent, un débit de talent. Excuse-moi si je demande qui, à part toi, croit que cette mélodie que tu nous joues là te servira autre chose que d'abattre les rats. Par pitié, je crois que ta flûte vient de se multiplier. Une symphonie pentatonique, cacophonique me bute. Cérémonie contemplative des fils de flûte. Marre de bouffer du faux, du foin d'un faux. Vos écarts de mots, c'est comme du mytho de mitard. Ça vaut un polo de smicard. Apologie d'une vitrine vide vis-à-vis des victimes de vos mimes. J'aimerais bien voir vos mines quand ils sortent de la brume et vous la mettre dans l'abîme. Mais ouais, promis, là, c'est un plan de foot, tant par la personne, c'est entre nous, hein. Ok. Ça t'ouvre les portes du 7ème siècle, frère. Ok. Genre, ouais, on va voir. Trip médiéval. Ah ouais, carrément. Ah bon, alors comme ça, tu me dis que tu peux me vendre vite, sans trop de risque, un joli colis de pure bataille. L'air solide, sûr de toi, doit endormir un type, sûr de taille. Toi, je t'ai rodave, enlève voir tes gros doigts de ta petite flûte, vu que tu me rappelles ce que star sur pas de grosse allure, classe au statut 4, format d'usage, qui m'a vendu ma télé. Facile y croire, voici l'histoire entendue avant de la payer. Cette fameuse boîte à image, car ce sale animal, après m'avoir serré la main, une tape au cœur face amicale, me dit que oui, elle est bien mieux que pas si mal. Oh, c'est pas vieux de moi qu'il a, son mélodieux, bonne image, mais il en a plus l'usage. Viens d'acheter un truc plus large, lance une phase du genre, c'est sûr tu feras l'affaire du siècle, faut profiter. Moi c'est pas que je marche, c'est pire, je pars au quart de tour. En gros j'y vais à fond sans trottiner, en bobiné, en beau gibier, genre trop niqué. Ok, c'est bon, j'ai capté. Le corps criblé. Qu'est-ce qu'on compte ça là? 3 jours après, chez Wham, bam, panne improvisé. Ah ouais, je savais pas, mais t'as rappelé le pelot ou quoi? Bah ouais, je suis pas teubé, mais il a disparu de partout. Oh, mais, la misère. Tu me prends un petit pochon là? Mais ouais, mais non, mais de toute façon, mais laisse tomber. Non, mais non, mais pourquoi je te raconte tout ça? Ton délire, c'est trop de la flûte. Bah, trop bas, je me casse, trouve un autre gars à hypnotiser. C'est de la flûte. C'est de la flûte là, non, mais stop, là. Non. C'est quoi ce délire, mais y'a. C'est trop de la flûte, y'a trop de flûte. Y'a quoi, c'est quoi? Vous êtes plusieurs, y'en a combien? Y'a un orchestre entier de petites flûtes. Oh, tu comprends ce que je te dis? Arrête tes flûtes. Je t'ai un étui à flûte, connard. Allez, mais on... Donc là, nous vous proposons une assurance multirisque anti-vol civil à un prix fort avantageux. Vu que vous êtes détenteur d'une carte clientèle privilège, grâce à ces points, vous pourrez avoir des cadeaux toute l'année, et ce, dans tous nos magasins partout.